18, 10, activation, compréhension auditive, professionnelle et amateur. Déterminez si les phrases que vous allez entendre parlent de professionnel ou d'amateur. Cochez la case appropriée. 1. Il est clarinettiste. 2. Je fais de la photo. 3. Vous jouez de la clarinette? 4. Elle est peintre. 5. Elle est photographe. 6. Vous faites de la peinture? 7. Je fais du karaté. 8. C'est un grand pianiste.